Le maréchal sonna. L'employé Marneffe est-il là? Oui, monseigneur, dit l'huissier. Qu'il entre. Vous, s'écria le ministre en voyant Marneffe, et votre femme, vous avez sciemment ruiné le baron d'Hervy que voici. Monsieur le ministre, je vous demande pardon. Nous sommes très pauvres, et je n'ai que ma place pour vivre. Et j'ai deux enfants, dont le petit dernier aura été mis dans ma famille par monsieur le baron. Quelle figure de coquin, dit le prince en montrant Marneffe au maréchal Hulot. Trêve de discours à la sganarelle, reprit-il. Vous rendrez 200 000 francs, ou vous irez en Algérie. Mais, monsieur le ministre, vous ne connaissez pas ma femme. Elle a tout mangé. Monsieur le baron a invité tous les jours 6 personnes à dîner. On dépensait chez moi 50 000 francs par an. Retirez-vous, dit le ministre de la voix formidable qui sonnait la charge au fort des batailles. Vous recevrez avis de votre changement dans 2 heures. Allez. Je préfère donner ma démission, dit insolemment Marneffe, car c'est trop d'être ce que je suis et battu. Je ne serai pas content, moi. Et il sortit. Quel impudent drôle, dit le prince.